نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. Allez. Avant de commencer le nouveau cours, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, je voulais juste parentifier, mais essayer d'être un peu plus clair par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière sur un sujet précis. Je vais poser un petit peu les pinceaux. Non, concernant. On avait parlé du takfin, du kafan, c'est-à-dire le fait d'envelopper le mort dans un linceul. Donc on avait expliqué pas mal de choses par rapport à ceci. Et la norme, c'est qu'il est obligatoire d'envelopper le mort dans le linceul, sauf celui qui est mort sur le champ de bataille. D'accord ? Ceci ne veut pas dire que c'est interdit de lui... de l'enrouler ou de l'envelopper dans le linceul. Seulement, la norme pour celui qui est mort sur le champ de bataille en tant que martyr, c'est qu'il soit enterré avec ses vêtements. Non. Celui qui veut rajouter, en plus de ceci, des linceuls, comme ce fut le cas de Safiya, qui ramena pour son frère Hamza, Abdel Muttalib, des linceuls, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta ceci et il fut recouvert par deux linceuls en plus de ses vêtements dans lesquels il a combattu. Non. Voilà, pour ceci, il faut bien clair, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Lorsque nous avons parlé de ceci, l'auteur du livre dit « وَصِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. L'auteur du livre dit ici, concernant maintenant la modalité de la prière mortuaire. Nous avions expliqué dans le cours dernier, Barakallahu fikoum, que la chose la plus importante concernant le chapitre des funérailles, c'est la prière sur le mort. Car en vérité, c'est pour cette raison, c'est pour cette prière que toutes les choses autour ont été légiférées, comme le fait de l'enterrer, comme le fait de le laver, comme le fait de l'embaumer, comme le fait de l'enrouler dans le linceul, comme le fait d'assister, de le faire mourir dans les meilleures conditions. Tout ceci, en fait, a pour but ou renvoie à la base, à la prière qui est la base des funérailles, la prière sur le mort. Il dit ici, concernant la modalité de cette prière et sa manière de la faire, premièrement, « An yukabbira fayakra al-fatiha ». Donc la personne qui est amenée à prier sur ce mort, ou alors l'imam, il va devoir prononcer le takbir. Le takbir, comme si on rentrait dans la prière, d'une prière normale. Puis il lit le fatiha. Cette prière de janaza est appelée chez les savants prière. C'est important de comprendre ceci, car les piliers de cette prière seront les mêmes que ceux qu'on trouve dans la prière habituelle. Autrement dit, takbiratul ihram, ici aussi, est un pilier. De même, al-fatiha, c'est un pilier ici à l'alcool et sahir, selon la vie le plus authentique. Donc, on commence par dire Allahu Akbar, puis on lit al-fatiha. Ici, Cheikh Saadi a dit, ثم يكبر فيصلي على النبي. Puis il prononce le takbir et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or avant ceci, il est légiféré de lire plusieurs sourates, une sourate ou plusieurs, après ce takbir de sacralisation. Comme ceci a été rapporté dans de nombreux hadiths et nombreux faits des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu. Lorsqu'il a fait ceci, il prononce le deuxième takbir, tout en restant debout. Entre parenthèses, cette prière ne comporte ni prosternation, ni inclinaison. Et elle est relativement courte, donc elle n'est pas susceptible d'être pénible pour le prieur. Donc il va rester debout du takbir jusqu'au taslim. Là, il prononce le deuxième takbir, et là il fait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière ou d'une autre. Il peut dire par exemple Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad as-salawatun ibrahimiyya que vous connaissez. Ou alors il peut dire tout simplement Allahumma salli ala Muhammad. Ou alors il peut dire sallallahu alayhi wa sallam. Bref, toutes ces formulations qui renvoient aux prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci est légiféré, alhamdulillah. Dès lors qu'il a fait ceci, il prononce un troisième takbir. Et là, il va faire ce pourquoi la prière a été légiférée, c'est-à-dire les invocations pour le mort. Yad'ul al-mayyit. Et c'est pour ceci qu'ici, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di rapporte cette dua qui a été légiférée. Il y en a beaucoup d'autres. Donc il est bien au moins d'en apprendre une et à défaut de ne pas en connaître au moins une, alors on fait des doas de son bon vouloir. Tout ceci au bénéfice du mort. Alors ici, ce qui a été rapporté ici, c'est le hadith suivant. Allahumma irfir lihayyina wa mayyitina. Oh Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts. Wa shahidina wa ghaibina. À ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Wa dhakarina wa unthana. Aux hommes et aux femmes. Wa saghirina wa kabirina. À nos jeunes et à nos plus âgés. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala l'islam. Oh Allah, celui que tu laisses en vie, alors fais-le vivre sur l'islam. Wa man tawaffaytahu fa tawaffahu ala l'iman. Et celui que tu fais mourir et à qui tu donnes la mort, alors fais-le mourir sur la foi. Allahumma la tuhrimna ajrahu. Oh Allah, ne nous prive pas de sa récompense. Je vais venir, inshallah. Qu'est-ce que signifie ceci? Wa la taftinna ba'dahu. Et ne nous éprouve pas après lui. Waghfir lana wa lahu. Et pardonne-nous ainsi qu'à lui. Non. Qu'est-ce que signifie ici? Donc cette dora est relativement claire de sens, mais qu'est-ce que signifie ici? Wala tuhrimna ajrahu. Oh Allah, ne nous prive pas littéralement de sa récompense. Qu'est-ce que ceci signifie? À quoi renvoie cette récompense? Quelle est-elle? Chez les savants, il y a plusieurs explications, mais elles se valent toutes en fait. Et elles ne viennent pas se contredire les unes les autres. Premièrement, c'est le fait de dire que la tuhrimna ajrahu, c'est que lorsque l'on a lavé le mort, lorsqu'on l'a préparé, lorsqu'on a suivi son cortège, bien qu'il soit, on l'a pas encore suivi, mais dans le cas où on l'aurait d'abord emmené au cimetière pour prier ensuite sur lui. Tout ceci occasionne des récompenses que la personne va récolter. Ces récompenses, en fait, elles ont pour pour source, en fait, ce mort-là. C'est par ce mort qu'Allah nous récompense en faisant tous ces actes-là légiférés. Donc, la tuhrimna ajrahu, ne nous prive pas de la récompense du fait de l'avoir lavé, le fait d'avoir invoqué pour lui, le fait d'avoir suivi son cortège, le fait de l'avoir enterré, etc., etc. Hein? La tuhrimna ajrahu, ça veut dire aussi, ne nous prive pas de sa récompense dans le sens si cette personne-là a laissé derrière lui une sadaqa jariya. Il a laissé derrière lui quelque chose, une aumône, qui va être amené à courir, non, et à fructifier. Comme par exemple quelqu'un qui laisserait une science derrière lui, ou un livre, ou une école, non, ou un mashrou, un projet dans l'intérêt commun des musulmans. Alors, la tuharibna ajrahu, c'est-à-dire, oh Allah, ne nous prive pas du bien qu'il a laissé derrière lui. Vous avez compris, les frères? Aussi, parmi les doha qu'a cité l'auteur du livre, donc je vais les citer ici puisqu'il les a mentionnés, il dit Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'ssi' mudkhalah wa'ghsilhu bil-ma'i wath-thalji wal-baradi wa'naqqihi min adh-dhunubi kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danasi. Il dit ô Allah, pardonne-le et fais-lui miséricorde. Préserve-le et outrepasse sur ses péchés et honore sa destination et agrandit l'endroit où il est, c'est-à-dire wassirhu, agrandit l'endroit où il est, c'est-à-dire qu'on parle de la tombe ici, et lave-le avec l'eau, la neige et la grêle et purifie-le des péchés comme on purifie un vêtement blanc des saletés. Littéralement, c'est comme ça, Inch'Allah. وَإِنْ كَانَ سَغِيرًا قَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْعَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ وَذُخْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Si c'est un jeune qui est mort, alors, après avoir fait ces doigts de sens général, on va faire une doa qui est beaucoup plus restrictive et qui concerne cette jeune personne. On va dire, ô Allah, fais qu'il soit faratan. Qu'est-ce que le farat? Le farat, en fait, c'est comme si on demandait à Allah qu'il fasse de ce jeune prépare l'au-delà pour ses deux parents. Qu'ils soient à leur service et qu'ils préparent à ce jeune, qu'ils préparent à ses deux parents, une destination honorable. Qu'ils soient aussi shafi' al-mujab, c'est-à-dire qu'ils soient intercesseurs. Ils intercèdent en leur faveur. Et qu'on demande aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'ils rendent lourdes les balances des bonnes actions pour ses deux parents. Dans le sens où ils l'ont éduqué convenablement. Et que Allah tabaraka wa ta'ala augmente la récompense des deux parents par cet enfant. Hein? Puis on demande que cet enfant soit sous la tutelle d'Ibrahim alayhi salam. Et qu'il le protège par sa miséricorde du châtiment de l'enfer. Dès qu'on a dit ces doigts, si on n'est pas capable de les dire, on ne les connaît pas par cœur, alors on peut faire des doigts d'ordre général de notre propre chef, en implorant le pardon d'Allah pour ce mort, sa miséricorde. On demande à Allah qu'il protège ce mort des châtiments de la tombe. C'est très important, car il y est directement concerné dans les instants qui vont suivre, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire sur la prière du mort, beaucoup de masaïl qui reviennent, beaucoup de problématiques qui reviennent assez souvent et dont les gens n'ont pas forcément des réponses immédiates. Donc je vais essayer de citer, Inch'Allah, les choses qui reviennent assez souvent et afin que Inch'Allah tout ceci soit un peu plus clair dans vos esprits. Premièrement, cette prière, comme on l'a dit, c'est une obligation, fard kifaya, qui incombe à une partie des musulmans. Si une partie des musulmans accomplit cette prière sur ce mort, les autres en sont dispensés. Par contre, si personne l'a fait, tout le monde commet un péché. Hein, jusqu'à ce qu'elle soit faite. Donc, fard kifaya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était interdit de prier sur un homme qui avait des dettes, rappelez-vous. C'est le hadith de Salamat ibn al-Aqwa. Jusqu'à ce que Abu Qatada est venu voir le prophète et il lui a dit, Ya Rasulullah, Salli alayhi wa aliyadin. Prie sur lui et moi je prends en charge sa dette. Le prophète a prié sur lui. En réalité, prouvé dans d'autres hadiths que le prophète s'est interdit de prier sur un homme qui avait caché, qui avait volé une partie du butin de guerre et qui l'avait caché. Personne n'avait su ça, sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par la révélation. Jibril en avait informé. Alors, au moment de sa mort, le prophète, au courant de cette chose, il ne l'avait pas divulgué. Au moment de la mort de cet homme, le prophète a dit, sallu ala sahibikum, priez sur votre compagnon. Les hommes se sont offusqués. Ils ont dit, comment il y a Rasulallah, il est mort en martyr. Hein? Il a dit, cet homme-là, auparavant, il a volé un lacet, hein, qui appartenait au butin de guerre. Donc, il convient au chef des musulmans, ici, en la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais au chef des musulmans ou aux savants, de ne pas prier sur toute personne perverse, hein, qui vole, qui trahit, qui trompe les musulmans, ou alors tout innovateur. Non. On laisse cette obligation au commun des musulmans. Pour quelle raison? Pour une raison qu'on peut comprendre assez facilement. C'est que si tel savant ou telle personne de rang prie sur lui, alors les gens vont être trompés. Ils pourraient croire que cette personne qui est morte et sur laquelle a prié telle personne a une place honorable. Et que ses péchés, au final, et ce qui était connu de lui comme méfait, est relativement dérisoire. Donc, il faut relativiser les choses. Hein? Par contre, si le contraire, la personne, le savant, s'abstient de prier sur lui, alors les gens, instinctivement, comprendront que cette personne-là ne mérite pas que ce savant prie sur lui à cause des méfaits qu'il commettait. Hein? À la babe tasjir, comme on dit. C'est à titre de réprimande. Non, mais pour que les gens du Shabbat ne soient pas amenés à faire ce qu'ils faisaient auparavant. Quel est le bienfait de la prière sur le mort? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man shahida as-salata hatta yusalla alayha fa'alayhi qirat wa man shahidaha hatta tudfanu fa'alayhi qiratan faqila ya Rasulullah mal qiratani قال مثل الجبلين العظيمين. Rapporté par l'imam Muslim sur le numéro 945. Écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui assiste à la prière sur le mort jusqu'à ce qu'elle soit finie. Autrement dit, celui qui prie sur un mort. Qu'il soit imam ou ma'moum. Alors celui-là aura la récompense d'un qirat. Un qirat. Et celui qui prie et qui suit la janaza jusqu'à ce que le mort soit enterré, il aura deux qirats. Deux qirats. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que signifie deux qirats? Le prophète a dit, deux qirats sont comparables à deux montagnes énormes, entre parenthèses, de bonnes actions. Deux montagnes énormes de bonnes actions. La hadith rapportée par l'imam muslim, après Abu Huraira. Donc, le bienfait et le mérite de prier sur les morts. Lorsque l'on ramène le mort pour qu'on prie sur lui, alors la place de l'imam n'est pas la même à savoir si c'est une femme qui est morte ou un homme. Si c'est une femme, l'imam va se placer au niveau de sa tête. Donc il va placer le mort entre lui et la Qibla en largeur, puis il se positionnera en face de sa tête, en face de la tête du défunt. Puis les gens derrière feront des rangs. On verra qu'il est soumis de faire trois rangs. C'est tout. Puis les gens derrière feront des rangs et ils prieront comme ça. Si c'est une femme, alors la personne, l'imam, se met au milieu du corps. Quelle est la preuve de ceci? La preuve de ceci, c'est ce qu'a fait Anas ibn Malik, radiallahu tabarak wa ta'ala, le sahabi. Lorsque Al-Ala ibn Ziyad al-Adawi a dit à son compagnon, Ya Aba Hamza, Aba Hamza c'est la kunya de Anas ibn Malik. Ya Aba Hamza, hakada kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakumu haythu kumta, wa min al-mar'ati haythu kumta, قال نعم فالتفت إلينا العلا فقال احفظوا. C'est un affaire qui est authentique. Écoutez ce qu'il a dit. فالتابعي العالم بن زياد العدوي a dit « Ya Aba Hamza ». Donc il l'a interpellé après que Anas ibn Malik ait prié sur un mort. Il a dit « Ya Aba Hamza, est-ce ainsi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se tenait devant le mort lorsqu'il priait sur lui et devant la défunte lorsqu'il priait sur elle ?» Et Anas ibn Malik a dit « Oui, c'est de la sorte ». Alors, Al-Ala, Ziyad al-Adawi, s'est retourné vers les gens, c'est-à-dire vers les gens qui, dans la science de science, et a dit, ihfadou, apprenez ceci, retenez ceci. Autrement dit, on constate ici que Anas ibn Malik a fait quelque chose qui était en corrélation avec ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se plaçait en face de la tête du mort, si c'était un homme, et il se plaçait au milieu du corps, si c'était une femme. Comment doivent se placer les rangs derrière? Les rangs derrière se placent, si possible, en trois rangées. Trois rangs. Salah, tata, soufou. Les hadithi, ma min mayyitin yamutu fayusalla alayhi thalathatu sufufin min al-muslimin illa wajabat. Illa awjabat, afwan. Donc, le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas un mort qui décède ou qui meurt, puis que trois rangées parmi les musulmans prient sur lui, sans que le pardon, ou alors certains savants ont dit l'intercession, lui soit obligatoire. Non. Ce hadith a été rendu bon par Cheikh Al-Albani dans le Sunan de Abi Dawud. Dans certains endroits, il est clair et net que on ne peut pas faire trois rangs, ou alors tellement il y a de monde, on en fera beaucoup plus. Il n'y a aucun mal à ça, Inch'Allah. Ça, c'est dans la mesure du possible, Inch'Allah. Qu'en est-il de celui qui arrive en retard? L'imam a déjà commencé à prier sur le mort. La personne rentre dans la mosquée, par exemple, dans le cas où on prie sur lui dans la mosquée, et il a déjà été précédé. On appelle ça « al-masbour ». Je pense qu'on avait vu ça lorsqu'on avait étudié ce jour de Sahoui. « Al-masbour », c'est celui qui a été précédé par l'imam et les musulmans dans sa prière. Autrement dit, il arrive en retard. Que doit-il faire? Est-ce qu'il rattrape? Est-ce qu'il ne le rattrape pas? Est-ce qu'il complète? Est-ce qu'il ne complète pas? Alors, ici, il y a trois cas de figure à prendre en compte. Le premier, c'est que s'il arrive à rattraper, c'est-à-dire à terminer cette prière de janaza complètement avant que le corps ne soit levé, alors qu'il le fasse. Autrement dit, j'arrive au moment où l'imam est arrivé après le deuxième takbir, c'est-à-dire qu'il est en train de faire les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, j'arrive à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Je rentre, je dis Allahu Akbar, non? Puis je lis avec l'imam As-Salawatul Ibrahimiyya. Puis l'imam va dire Allahu Akbar, puis il va faire des doigts sur le mort. À ce moment-là aussi, je le suis, je dis Allahu Akbar, je fais des doigts sur le mort. Puis ensuite, l'imam va faire un quatrième takbir, et ensuite il fait le taslim mubasharatan, directement après. À ce moment-là, moi il me reste un takbir à faire, puisque je suis rentré dans le deuxième. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire? Je fais le dernier takbir et je lis le Fatiha. Rapidement. Si je sais que le corps ne sera pas levé avant que j'ai fini, alors je le fais. Si le corps, il va être levé directement après la prière, comme c'est souvent le cas, alors dans ce cas-là, je sors. Je sors de la prière, je ne rattrape rien et je pars directement avec El Mouchayyiri, c'est-à-dire avec ceux qui vont suivre le cortège funéraire. Il y a un troisième cas de figure qu'ont émis certains savants, c'est que dès que l'imam s'arrête, il fait le taslim, quand bien même je suis arrivé en retard, j'arrête avec lui. Pour quelle raison? Car ils disent que l'obligatoire, c'est lorsque l'imam prie. Donc tant que l'imam est en prière, la personne qui est derrière lui est obligée de prier. Dès lors qu'il est sorti de sa prière, alors on passe dans une nafila. Et la nafila, on peut la couper. On peut sortir d'une nafila. Donc ils expliquent qu'ici, il n'y a pas de qada. La yaqdi. À la kulihal, ces trois cas de figure ont été cités par Cheikh Al-Athaymine dans Charles Monker. Bien qu'on privilégie le premier dans le sens où il dit si on peut finir assez rapidement afin de pouvoir assister à la levée du mort, alors dans ce cas-là, on le fait. Okay. Autre mas'ala, la prière sur ce qu'on appelle Al-Ra'ib, c'est-à-dire la prière de l'absent, sur l'absent. Qu'est-ce que signifie ceci? Si une personne, un musulman, meurt dans une contrée, de telle sorte que son corps n'est pas présent dans l'endroit où on est, il est mort dans, par exemple, je ne sais pas, on est en France, il est mort en Australie, il est mort en Antarctique, voilà. On sait qu'en Antarctique, normalement, il n'y a pas de musulman, on l'a parlé. Il est mort en Antarctique. On a eu vent de son décès. Alors, dès lors qu'on a appris la mort, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer de prier sur lui, car, comme on l'a dit, as-salatu ala al-mayyit wajiba. La prière sur le mort est obligatoire. Si personne n'a prié sur lui, alors il va falloir prier sur lui. Comment? Est-ce qu'on va aller en Antarctique? Est-ce qu'on va dépêcher une délégation qui vont aller prier, qui vont se déplacer là-bas et prier sur lui? Non. On va faire ce qu'on appelle salatul ghaib. Lorsque Najashi, qui était le Négus, le roi des Éthiopiens, ou le roi, non, le chef ou le roi des Éthiopiens, est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'il avait embrassé l'islam avant de mourir. Et il a reçu l'information de sa mort par Jibril alayhi sallam. Et il en a informé ses compagnons. Il a dit, votre frère vient de mourir. Mat'akhukum. Et il parla du Négus, Najashi. Alors, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est sorti avec ses compagnons dans la Moussalla, c'est-à-dire dans l'endroit à l'extérieur réservé à cet effet, de prier sur les morts. Et il a prié sur lui. D'où ici la divergence qu'il y a chez les savants. Les savants ont divergé. Ils ont dit, est-ce que cette prière est une des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un acte qui est restrictif au prophète, pour le Najashi, ou alors c'est un acte qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a une portée générale et qui concerne tous les musulmans qui seront dans cette situation. Al-Ahnaf ou Al-Malikiyya. Al-Ahnaf, c'est ceux qui suivent le madhab de l'imam Abi Hanifa. Ou Al-Malikiyya, ceux qui suivent le madhab de l'imam Malik, considèrent que la prière qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le Najashi est une particularité. Ça se traduit comment? Qu'il n'est pas permis de prier sur l'absent. C'est un acte isolé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'avis des Ahnaf ou al-Maliki. Al-Shafi'iyyatu al-Hanabila, donc les deux autres madhab répondus, considèrent que c'est un statut général qui n'est pas restrictif au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de telle sorte que la prière sur l'absent est légiférée. Seulement, ceux qui disent que c'est légiféré, ils divergent, eux entre eux. Ils disent sur qui on l'a fait, quel type d'absent mérite qu'on prie sur lui, ou plutôt quel type d'absent doit-on prier sur lui. Est-ce de manière absolue, est-ce celui qui a une autorité ou un mérite comme un savant, comme un chef d'État, comme un mujahid, ou alors est-ce celui dont on est sûr que personne n'a prié sur lui? Voilà sur quoi tient la divergence. La plupart des Hanabila ou Shafi'i considèrent que la prière sur l'absent est permise mutlaqan, de manière absolue, sans considérer le fait qu'il soit riche ou pas riche, que ça soit quelqu'un de science ou un ignorant, que ça soit un chef d'État ou alors un administré, peu importe. Vous voulez prier sur lui ou non, peu importe, il ne faut pas de détails. C'est permis. Celui qui veut le faire, il le fait. Autrement dit, une personne est morte en France, elle a été enterrée en France. Si des gens de sa famille sont en Tunisie ou en Algérie, par exemple, alors ils prient sur lui. Quand bien même il est mort en France et enterré en France. Hein? En considérant ces gens-là, voient l'autorisation de le faire. Ouais. Le deuxième avis, c'est l'avis de l'imam Abdurrahman bin Sa'd, l'auteur du livre, et c'est aussi l'avis de l'Ajna, le comité des savants, le comité permanent de la fatwa, l'Ajna Da'ima. Il considère que on ne prie seulement sur celui, bien sûr, dont le corps est absent, n'est pas présent, mais qui a une certaine place. Lahu manfa'atun lil muslimin. Il occasionnait profit pour les musulmans, soit par ses biens, soit par sa science, soit par son autorité. Vous avez compris? Ça, c'est l'avis de Abdurrahman bin Sa'di et l'Ajna Da'im. Il y a l'avis de Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, et c'est ce qu'a aussi considéré comme juste la, Cheikh Al-Athaymin, alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala. Ils disent que on ne prie sur l'absent que lorsqu'on est sûr que personne n'a prié. Hein? Quel que soit son statut social. Vous avez compris? Il a ta'akkadna annahu la yusalla alayhi mutlaqan wa jasaduhu ghayru hadir yajib an nusalli alayhi. Il est obligatoire de prier sur lui dans cet état. Ça, c'est l'avis de Cheikh Islam et l'avis de Cheikh Al-Taymiyyah. Bien sûr, à plus forte raison, si une personne, son corps est absent, on est sûr que personne n'a prié sur lui, en plus de ça, c'est quelqu'un parmi les gens de science, alors à plus forte raison, on prie sur lui. Voilà, Koulihal, la prière du mort est légiférée, quand bien même la prière du mort est légiférée, et ce n'est pas un acte isolé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le concernerait lui particulièrement. Non. Il y a autre chose à faire, autre chose à comprendre ici dans certains raïs, par contre, pour que la personne prie sur celui qui est absent, il faut que lorsque la personne était morte, il faut que lorsque la personne qui est morte, non, au moment où elle est morte, il faut que celui qui va prier sur lui était min ahli salah. Qu'est-ce que ceci signifie? Imaginons que une personne est morte il y a 30 ans. Personne n'a prié sur lui. Au bout de 30 ans, on apprend sa mort. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Ça arrive fréquemment même. On apprend sa mort. Dans ce cas-là, il va falloir prier sur lui. Qui peut prier sur lui? Est-ce que tout le monde peut prier sur lui? Non. Il faut que ceux qui ont droit de prier sur lui, ce sont ceux qui, il y a 30 ans, étaient des gens assujettis à la salah, dont la prière leur était obligatoire. Une personne qui a 20 ans, peut-il prier sur une personne qui est morte il y a 30 ans? Non. Car il y a 30 ans, il n'existait pas, lui. Il n'a que 20 ans. Donc celui-là, il ne prie pas sur ce mort. Le cas contraire, une personne est morte il y a 10 ans. Et cette personne-là qui va prier sur lui a 30 ans. Est-ce qu'elle peut prier sur lui? Non. Il prie sur lui parce qu'il y a 10 ans, il avait 20 ans. À 20 ans, il lui est obligatoire de prier. Vous avez compris? وَهَذَا الْقَيِّدْ مُهِمْ ذَكَرَهُ شَرْعَ ثَيْمِنْ وَغَيْرُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. Cheikh Al-Athaymin l'a cité, et d'autres savants aussi dans ce masala. C'est important de comprendre ça, car la prière sur le mort, quand il est devant nous, ce n'est pas tout le monde qui prie sur lui. Les enfants, ils prient pas sur le mort. Hein? Celui qui est majdoun aussi, il prie pas sur le mort, car la prière n'est pas obligatoire à cela. Autre masala. Si on trouve un mort, j'ai dit aujourd'hui le cours il est macabre un petit peu. Si on trouve un mort en partie, on trouve des parties d'un mort, on trouve son bras à droite, sa tête à gauche, son tronc de l'autre côté, ça peut arriver. Surtout à notre époque avec les armes de destruction massive. Il faut une boucherie. Ça peut, ce sont des cas qui peuvent arriver. Alors, comment on doit prier sur lui? Est-ce qu'on prie sur un membre? Est-ce qu'on prie sur... Les savants se sont posés ces questions-là dès les premiers temps. Alors ici, il va falloir envisager plusieurs cas. Le premier cas, si on trouve la majeure partie du corps, quand bien même il a des membres coupés, mais la majeure partie du corps est présente, alors on priera, on préparera cette partie, on l'embaumera, on le lavera, on l'embaumera, au café nouveau, on le mettra dans son linceul et on priera sur cette partie-là. Hein, mes frères? Ça, c'est dans le cas où la majeure partie du corps est présente. Dans le cas où on trouve un membre, par exemple le bras, on trouve un membre, ou la tête. Ça, c'est pour les coupeurs de tête. Vous savez qu'en Afrique, en Afrique centrale, en Centrafrique, les gens coupent les têtes des musulmans. J'ai vu des vidéos atroces à ce sujet. Allah le Moustan, de sang-froid à la vacherette. Si on trouve un musulman dont la tête a été coupée, alors il va falloir considérer deux choses. Est-ce qu'on a prié sur son corps ou non? Si on a prié sur son corps, alors on ne prie pas sur sa tête. C'est-à-dire la tête, on va la faire disparaître. Car on a déjà prié sur la majeure partie du corps, comme j'ai expliqué. Par contre, si on n'a pas prié sur le corps pour X raisons, il n'a pas été retrouvé par exemple, alors qu'est-ce qu'on fera? On considérera que la tête fait partie du corps de son mort. Regardez un petit peu hier, Khatib Karam, comment l'islam respecte le musulman qu'il soit mort ou vivant. Les droits du mort sont tout aussi importants que les droits du vivant. Donc dans le cas où on ne retrouverait pas son corps, alors on priera sur ce membre-là. Le bras, la tête, le pied, la jambe ou autre. Ça, c'est la matérialité. Autre masala. Peut-on prier la prière mortuaire sur la tombe? Je m'explique. Une personne a été enterrée. Là. A-t-on le droit de prier sur elle alors qu'elle est enterrée? Oui. Rappelez-vous de cette femme, cette femme qui nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte et le prophète ne sait pas de sa mort. Alors, qu'ont fait les sahaba? Ils ont dit on ne va pas déranger le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une femme qui nettoyait la mosquée du prophète. Un prophète est occupé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont procédé à son lavage, à son linceul, à son embaumement, à prière sur elle, son enterrement, etc. Ils ont tout fait dans les normes. Seulement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne fut au courant de rien du tout. Après quelques jours, le prophète qui avait l'habitude de la voir, a dit, où est cette femme? Il a dit, elle est morte, ya Rasulallah. Il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas averti? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti à devant sa tombe de nuit et a prié sur elle. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous montre que le prophète attachait de l'importance à des choses qu'il en avait. Pensez pas qu'une femme qui nettoie la mosquée, c'est quelque chose de subalterne, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Bien au contraire. Bien au contraire. Et le prophète a voulu enseigner et montrer à ses compagnons que cette femme mérite tous les honneurs Et tout le respect du fait qu'elle nettoyait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est levé lui-même et il est parti prier sur elle. Alors que il aurait pu faire simplement des doigts pour elle, puisque les gens avaient déjà prié sur elle. Il aurait pu s'en tenir qu'aux doigts, qu'aux invocations. Mais le prophète s'est levé, a fait l'effort d'aller devant cette tombe et de prier. Donc ceci montre la valeur de cette femme, bien sûr. C'était une femme noire. Je dis ça, je dis pas ça pour dire que les Noirs sont une sous-classe, mais pour montrer un petit peu que chez les Arabes d'avant, les Noirs étaient un degré inférieur, n'étaient pas comme les Arabes. Ça, c'est resté longtemps, pas chez les Sahaba, mais dans la société arabe d'une manière générale. Malgré ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette importance. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ceci étant dit, l'auteur du livre dit: قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. L'auteur عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى ici nous ramène ce hadith là pour nous montrer le faste wal fadl, les mérites de celui qui suit un cortège funéraire. Il dit, il n'y a pas un homme qui meurt et dont 40 personnes, 40 hommes qui n'associent rien à leur Seigneur participent sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala les fera intercesseurs pour lui le jour du jugement. Ces 40 personnes intercéderont en faveur de ce mort le jour du jugement. C'est un hadith rapporté par l'imam muslim. Qui n'aimerait pas être ce mort dans cette situation, qui bénéficiera de 40 intercesseurs parmi les musulmans yawm al-qiyam. Yawm la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ce jour où nul bien ni enfant ne seront d'aucune utilité sauf celui qui viendra avec un cœur sain. Oubliez ce jour-là les dollars, les euros, l'or, l'argent, tout ceci ne servira à rien. Il n'y aura que vos actes et votre foi. Donc, toute chose qui viendra te sauver du châtiment de l'enfer sera la bienvenue ce jour-là. Parmi ces choses-là, les intercessions. Puis il y a le hadith que je vous ai cité tout à l'heure. Man shahida janazat al-hatta yusalla alayha falahu qirat. Celui qui prie sur un mort, il aura une qirat. Et celui qui participe, qui prie sur lui, qui participe jusqu'à ce qu'il soit enterré, c'est-à-dire qu'il suit le cortège funéraire, celui-là aura deux qirat. Deux montagnes énormes de hasanat. L'imam Sa'di dit ensuite: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَ عَلَيْهِ. Le prophète a dit صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, plutôt le prophète a interdit qu'on plâtre la tombe, ou qu'on s'assoie dessus, ou bien qu'on construise dessus. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des savants, al-dara'i'a, ila shirk billah. Ce sont des moyens, des voies ouvertes au shirk. N'imaginez pas à cet instant que ceux qui ont, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui ont ramené le shirk et qui pratiquent le shirk, sous couvert de l'islam, n'imaginez pas un seul instant qu'ils sont venus faire du shirk du jour au lendemain comme ça. Ils se sont réveillés un matin en disant: je vais faire du shirk. Ceci est venu petit à petit. Allah est venu enjoliver leurs actes. Parmi les choses qui mènent au shirk, c'est le fait de s'asseoir sur les tombes, d'y rester, de méditer, ou alors de construire sur les tombes, comme ceci est fréquent, genre de mausolée qu'on construit sur les tombes. Et qui donne en fait aux yeux du commun des musulmans, qui donne en fait une espèce de valeur à ce mort jusqu'à ce qu'on l'invoque en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, at-tajassis, c'est-à-dire le fait de plâtrer la tombe, en fait c'est comme si le prophète nous disait le fait de l'ennoblir et de l'enjoliver. Tout ceci est interdit, barakallahu fikoum. Regardez comment sont les tombes des compagnons dans le Baqir. Baqir, le cimetière qui est à Médine. Non. Jamais tu ne reconnaîtras la tombe de par exemple de Aïcha, de celle de Fatima. Non. Sauf ce que font les chiites, car ils mettent des choses. Jamais tu ne verras la tombe d'Abdullah ibn Abbas, bien qu'il n'est pas enterré là-bas, il est enterré à Mecca. Mais d'un compagnon qui a été enterré à Médine, d'un autre compagnon. Kulluhum ala haddin sawa. Tout sont sur le même piédestal. Non. Alors certains vous le diront, mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa tombe, il y a des murs, il y a ceci, il y a cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans la terre. Ça, c'est déjà un. Car lorsqu'il est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est mort sur son lit de mort, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa couche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé la tombe à cet endroit-là. Car les compagnons ont divergé. On dit, qu'est-ce qu'on va faire du prophète? Où on va l'enterrer? Certains ont dit, on va l'enterrer à Mecca, dans la ville où il est né. D'autres qui ont dit, non, on va l'enterrer à Médine, car c'est la ville où il a émigré. D'autres, ils ont dit ceci, d'autres, ils ont dit cela. Jusqu'à ce que Abu Bakr est venu trancher. Il a dit, j'ai entendu le voix d'Allah dire, le prophète est enterré dans l'endroit où il est mort. Ceci a mis fin à toutes les polémiques et les discussions. Donc, ils ont creusé à l'endroit où il est mort. Donc, le prophète est bien dans la terre. Seulement, cet endroit où il est mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi dans l'appartement de Aïcha. Et les appartements du prophète à l'époque étaient mitoyens de la mosquée. On avait la mosquée du prophète, et collé à la mosquée, on avait les appartements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont celui de Aïcha, dans lequel le prophète est mort. Donc ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dans la mosquée, ici, en fait, il n'est pas dans la mosquée aslan. Seulement, la mosquée a dû être agrandie par la suite. Donc par la force des choses, il s'est retrouvé dans la mosquée. Mais ceci n'est pas, ce n'a pas été prémédité. Non, on n'a pas construit la mosquée puis mis la tombe du prophète dedans, sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, la tombe du prophète était en dehors de la mosquée, puis on l'a construit autour par nécessité. Non, à l'époque des Bani Umayya. Ça, c'est déjà un. Donc, deux. Donc, la tombe du prophète n'est pas dans la mosquée. Elle est dans son appartement. Trois. Le fait qu'il y ait un mur autour, barakallahu fikoum, c'est pour préserver l'intégrité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son corps. Vous n'êtes pas sans savoir que si on laissait la tombe du prophète comme ça, à découvert comme n'importe quel autre sahabi par exemple, alors viendraient tous ces kouboulis, tous ces adorateurs de tombe faire des choses bizarres. Jusqu'à déterrer même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si Abu Bakr et Omar n'étaient pas ainsi, protégés par les murs, alors que feraient-ils, que feraient les chiites? Comme ceci est clairement stipulé dans leur livre. Que si les chiites avaient le contrôle des lieux saints, alors la première chose qu'ils feraient, ce serait de déterrer Abu Bakr et Omar, puis de prendre leur corps, de couper leur tête et de les mettre sur des pieux à Médine. Voilà ce que feraient les chiites. C'est un rêve qu'ils ont. Alhamdulillah qu'il y a des murs autour. Donc ce sont des cas exceptionnels, barakallahu fikoum. Mis à part ceci, on ne construit pas sur une tombe, ni on reste, on s'assoit sur une tombe pour méditer, pour méditer sur le mort, etc. Et bien sûr, on n'enjolive pas la tombe, on ne l'orne pas, on n'écrit pas dessus. Malheureusement, maintenant, c'est une norme. Mais à la base, on n'écrit pas de nom sur les tombes, par le fait. Lorsque tu rentres dans le cimetière, tu ne fais pas de différence entre un tel et un tel. D'ailleurs, toutes les doa qui vont dans ce sens-là, où le prophète rentre dans le cimetière, lorsqu'il disait, il s'adressait à tous les musulmans. La yu'ayyid, sallallahu alayhi wa sallam, wa lam yuhaddid. Donc toutes ces choses-là, là, qu'a cité ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'a interdit le prophète, ce sont des choses qui amènent au shirk, car ce sont des choses qui amènent à la vénération des morts. Et quand tu vénères un mort, tu vas tomber inexorablement dans le shirk billah. Tu vas demander l'intercession, ou alors tu vas lui demander, tu vas demander al-qurba par son intermédiaire, ou alors tu vas l'invoquer directement. Tout ceci sont les formes du shirk, Akbar. L'auteur du livre dit وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ سَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنْ يُسْأَلْ. Puis lorsque vous avez fini de l'enterrer et d'enterrer le mort, alors ou plutôt le prophète Hassan, lorsqu'il avait fini d'enterrer le mort, se tenait debout et disait « Invoquez le pardon d'Allah pour votre frère, car invoquez le pardon d'Allah pour votre frère et implorez Allah qu'il le raffermisse, car il est questionné en ce moment. » Car il est questionné en ce moment. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que la personne, lorsqu'elle rentre dans la tombe, tombe mécréant d'ailleurs, dès lors qu'il était enterré et que la terre a été rabattue sur lui, alors deux anges apparaissent, s'appellent Munkarun wa Nakirun, deux anges effrayants. Et ces deux anges-là vont lui poser des questions à titre de test pour tester sa foi. À ce moment-là, cette personne-là a besoin du raffermissement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout seul, il ne pourra rien faire. Tout seul, il ne pourra rien faire. Allah dit tabaraka wa ta'ala, yuthabbitullahu bil qawli thabiti fil hayati dunya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah raffermi les croyants par cette parole de raffermissement, bil qawli thabiti fil hayati dunya, dans cette vie-là et dans l'au-delà. Par Allah, c'est la ilaha illallah. Donc on voit bien ici que Allah tabaraka wa ta'ala, il te raffermit dans ta religion. Hein, bien sûr, après avoir fait les causes, dans cette vie d'ici-là, mais tu as aussi besoin du raffermissement d'Allah dans l'au-delà. Dans l'au-delà ici, comme c'est cité dans le verset coranique, c'est la tombe. Car tu es questionné dans la tombe. Hein. Après la résurrection, la personne n'a pas besoin de raffermissement. Pourquoi ? Car la vérité lui est apparue maintenant. Maintenant, on lui pose peu de questions lorsqu'il est ressuscité. On va faire les comptes. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas besoin de raffermissement ici. Alors, quand est-ce que survient ce raffermissement d'Allah? Quand est-ce qu'il en a besoin? Lorsqu'il est dans la tombe. Lorsque les deux anges vont venir lui demander qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, quel est l'homme qui vous a été suscité. S'il ne répond pas correctement, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a abandonné à ce moment-là. Khadalahu. Et s'il répond correctement, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a soutenu et l'a raffermi dans ses réponses. Voilà pourquoi le prophète disait Salu lahu tathbit fa innahu yus'alul an. Implorez le raffermissement d'Allah pour cet homme, car il est questionné actuellement. Salu tabaraka wa ta'ala yuthabitana fi dunya wal akhirah bil qawli thabit. Concernant cette tombe, Yahwatil Karam, concernant la tombe, il y a deux types de tombes, deux moyens de creuser la tombe. Al-lahdu wa shakku. Al-lahdu, c'est le fait de creuser la tombe droit et ensuite de creuser une niche sur le côté et d'y placer le mort. En général, lorsque la terre est relativement dure, rocailleuse par exemple, de telle sorte que lorsqu'on va creuser cette niche sur le côté, la terre ne risque pas de s'effondrer, alors il est préférable de creuser de cette façon, là. Comment on creuse cette tombe? En fait, On creuse la tombe, on met la large, toute la largeur de la tombe fait face à la Qibla. Toute la largeur de la tombe fait face à la Qibla. Ensuite, on creuse droit, profondément, assez profondément, et ça, ceci est la sunna. Et ensuite, lorsqu'on arrive assez profond, on va creuser en direction de la Qibla une niche dans laquelle on mettra le mort. Et le mort, on le placera face à la Qibla. C'est-à-dire qu'on le mettra sur le côté, sur le côté droit, et il fera face à la Qibla. N'est-ce pas? Taïm. Pourquoi on creuse assez profondément? Pour la simple et bonne raison que des bêtes peuvent venir déterrer le corps. Des fauves, par exemple. Si on creuse la tombe à 50 cm seulement, en dessous du niveau du sol, alors, premièrement, les fauves peuvent sentir l'odeur du mort et le déterrer. Deuxièmement aussi, des odeurs mauvaises peuvent remonter assez facilement. Pour toutes ces raisons-là et pour d'autres raisons, on creuse profondément, barakallahu fikoum, l'isyanati had al-jasad, afin de préserver ce corps. Ça, c'est le lard. Ash-shaqqu, c'est une autre manière de creuser. C'est le fait de creuser tout droit. Et ensuite, lorsqu'on arrive au fond assez profondément, alors on va creuser une niche dans le fond. Non pas sur le côté comme lard, mais dans le fond. Et on y posera le mort. En prenant soin, avant de poser le mort, de consolider les côtés de cette deuxième fosse avec des bricours. Quand est-ce que l'on utilise le chaque? On utilise le chaque coup lorsque le terrain est sablonneux. Hein? Ou alors il est propice à l'effondrement. Dans ce cas-là, il est préférable d'utiliser le chaque coup. Hein, mes rois? Il y a une certaine largesse dans ceci, et les deux font partie de la sunna. Après avoir enterré ce mort, l'auteur du livre dit « Wa yustahabu ta'ziyatul musab bil mayyiti ». Il est conseillé d'adresser les condoléances à la famille du défunt, aux proches du défunt, à ceux qui ont été touchés de près ou de loin par sa mort. Qu'est-ce que le ta'ziya? Le ta'ziya en arabe, c'est ce qu'on appelle le tasliya. C'est le soulagement. On vient soulager la personne. Hein? Comment? Par exemple, comme ceci a été rapporté dans la sunna, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il faisait ses condoléances aux proches du défunt, il disait, inna lillahi ma akhad, wa lahu ma akhta, wa lahu ma a'ta, wa li kulli ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Il a dit, à Allah appartient ce qu'il a repris, c'est-à-dire cette personne. Et à Allah appartient ce qu'il donne, ou ce qu'il t'a donné. Et chaque chose a un terme fixé, il te convient donc de patienter et d'escouter la récompense d'Allah, t'as pas d'accord. Hein? On peut aussi adresser d'autres formes de condoléances, hein, beaucoup plus simples, que les gens qui sont plus parlantes pour les gens, par exemple en leur disant, Inch'Allah, tu reverras ton père, ta mère, ton enfant au paradis, Inch'Allah, il est mort sur le bien, c'est une bonne annonce, etc. On essaie de réconforter du mieux que l'on peut les défunts, les proches du défunt. Cheikh Al-Albani a rapporté à authentifier un hadith que je vais vous citer ici. « Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu wa ta'ala min hulalil karamati yawm al-qiyam » Rapporté par Ibn Majah, authentifié par Cheikh Al-Albani. Il n'y a pas un croyant qui adresse ses condoléances à son frère qui a été touché par la mort de quelqu'un sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala le vêtisse le jour du jugement par les habits de l'honneur. Hulal al-karam. Par les habits, les vêtements de l'honneur. Autrement dit, Allah tabaraka wa ta'ala agira avec toi comme tu agis envers tes frères. C'est une règle générale, barakallahu fikoum. Elle n'est pas seulement instructive à ceci, mais d'une manière générale, Allah agit avec toi et envers toi de la même manière que toi tu agis envers tes frères. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, que lui qui soulage son frère d'une angoisse dans cette vie-là, Allah le soulagera d'une angoisse dans cette vie-là et des angoisses de l'au-delà. Celui qui facilite à quelqu'un qui est dans la difficulté, Allah lui facilitera le jour du jugement, etc., etc. Inna Allah fi auni al-abd madama al-abd fi auni akhihi. Certes, Allah sera au secours de son serviteur tant que ce dernier sera au secours de son frère. Toi, tu viens soulager une peine par la mort de cette personne. Tu viens soulager la peine de ton frère. Sache qu'Allah, tabarak wa ta'ala, te le rendra. Sûr et certain. D'une manière ou d'une autre. Tout ceci, bien sûr, vient consolider les liens de fraternité dans l'islam. Hein, consolider les liens qu'il y a entre les gens. Et par là même, annihiler les différends, les querelles et autres. Il dit ensuite, وَبَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ مَعَ أَنَّهُ لَعَنَ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré, bien qu'il ait dit, c'est une miséricorde. Ce hadith-là nous montre quoi, barakallahu fikoum ? Nous montre qu'il est permis de pleurer, mais de manière modérée. Jazakumullahu khair, de manière modérée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ce qu'on appelle al-niyaha, c'est-à-dire le fait de pleurer à outrance, de crier lorsqu'un mort, lorsque la mort survient, comme le font surtout les femmes. Donc il y a ce qu'on appelle al-niyaha, c'est les cris. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, la'natullahi ala al-haliqati al-shaqati ala al-haliqati al-shaqati al-saliqa al-haliqati al-shaqati wa-saliqa. Al-haliqati, c'est celle qui se rase la tête à cause d'un mort. C'est interdit. Elle mérite la malédiction d'Allah. Al-shaqati, c'est celle qui déchire ses vêtements pour la mort de quelqu'un. Elle déchire ses vêtements pour la mort de quelqu'un. Was-saliqati, c'est celle qui crie pour la mort de quelqu'un, qui crie à outrance. Non. Or, le fait de pleurer, ceci est permis. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque sa mère est morte dans la mécréance, le prophète est parti des années après le pacte de l'Hudaybiyah, est parti sur sa tombe. Il est resté longtemps et il a pleuré. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, c'est de la miséricorde. Innaha rahma, c'est de la miséricorde. Aussi le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, zouru al-kubur, fa innaha tudhakkirukum al-maut. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, visitez les tombes car elles vous rappellent la mort. Alors que le prophète au début avait interdit la visite des tombes. Faqad kuntu nahaytukum an ziyarati al-kubur, fa zuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut. Hadith Bourayda. Je vous avais interdit la visite des tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent la mort. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit la visite des tombes dans les premiers temps, pour pas qu'elle soit une voie ouverte vers le shirk. Car les sahabas venaient de sortir de l'époque du paganisme. Certains avaient encore en eux des réflexes, on va dire, du paganisme, du shirk, qui était leur religion précédente. Le prophète a voulu fermer la porte à tout ceci et a interdit la visite des tombes. Si on serait à notre époque, à votre avis, que ferait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'interdirait de nouveau à cause de l'ignorance qui est répandue chez les musulmans, qui font toutes sortes de choses blâmables auprès des tombes. Voilà, kulli hal. Puis, lorsque les compagnons ont acquis cette connaissance, ce raffermissement dans leur islam, ils avaient bien compris cette notion de tawhid et de shirk, de telle sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rassuré de leur religion. Alors il leur a dit, à ce moment-là, maintenant visitez-les car elles vous rappellent la mort. Donc il a réouvert la porte car il y avait un intérêt derrière. Elles nous rappellent la mort, effectivement. Wa yambari liman zaraha an yaqula assalamu alaykum ahla dar qawmin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqum Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum nas'alullah lakum nas'alullah lana wa lakum al'afiyah. Inch'Allah, celle-là, vous devez la prendre. Au moins, celle-là, prenez-la, Inch'Allah, tabarakata. Elle se trouve dans la citadelle des musulmans et autres. Elle est relativement simple à apprendre, mais au moins, Inch'Allah, vous la connaissez dès lors que vous rentrez dans un cimetière. Inch'Allah, vous la dites. En fait, disait sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il visitait les tombes, assalamu alaykum ahla dari qawmin mu'minin. La paix sur vous et le salut sur vous, ô gens. Aux gens d'une terre peuplée de croyants, et certes, inshallah, nous allons vous rejoindre. Remarquez ici que le discours est adressé à l'ensemble des musulmans. Bikafil khatab à la sirat il jama. C'est un pronom personnel à la deuxième personne du pluriel. Donc le prophète s'adresse à tous les musulmans sans exception. Puis il dit « Allahumma la tuhrimna ajrahum »« Oh Allah, ne nous prive pas de leur récompense. » J'ai expliqué ceci tout à l'heure. « Wa la taftinna ba'dahum » et ne nous éprouve pas après eux. « Wa ghfir lana wa lahum » pardonne-nous et pardonne-leur. « Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah » qu'Allah nous préserve et les préserve. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. Ici, Chassadif dit quoi? Il dit, chaque acte que fera la personne, ou alors qu'il offrira la récompense de cet acte à un mort ou à un vivant, alors ceci lui profitera. Effectivement, ceci est légiféré, barakallahu fikum. Quelqu'un qui n'a pas pu accomplir le hajj, par exemple, de son vivant, alors, quelqu'un peut le faire à sa place après sa mort, n'est-ce pas? Yahudju alayhi. Celui qui a accompli le hajj pour son père, par exemple, qui est mort et qui n'a pas eu l'occasion de le faire, alors celui-là, la récompense de ce hajj viendra pour le mort et lui, il aura tous les efforts, la récompense de tous les efforts qu'il a fait durant ce hajj. Il aura la récompense d'un sa'i. Il aura la récompense d'un tawaf. Il aura la récompense de l'égorgement, de l'acte en lui-même. Hein? Mais le hajj en lui-même, il sera inscrit comme pour le mort. C'est comme si il lève cette dette-là du dessus de sa tête. Non. Pareil, quelqu'un qui voudrait terminer les jeûnes du mois de Ramadan d'une personne qui est morte en plein mois de Ramadan. Alors, dans ce cas-là, il jeûnera le reste des jours pour lui. Tout ceci au bénéfice du mort. Ceci est corroboré par le Coran. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ. Et ceux qui sont venus après eux, dans le contexte des versets ici, ceux qui sont venus après le Muhajirin ou l'Ansar. Donc, c'est-à-dire nous, tous les musulmans, à partir des tabi'in jusqu'à nous. Nous sommes concernés par ce verset coranique. Et tous ceux qui sont venus après eux, donc nous, disent, ô Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Donc on va implorer Allah qu'il les pardonne. Autrement dit, le pardon d'Allah les couvrira, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Ils profiteront de ce pardon quand bien même ils sont morts. Aussi on a le hadith, إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. En fait, a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne meurt, tous ses actes s'arrêtent sauf trois: une aumône qui court, ou alors une science de laquelle on profite et on tire profit, ou alors un enfant pieux qu'il a laissé derrière lui et qui invoque en sa faveur. Et bien que, quand bien même cette personne elle est morte, il continue à recevoir des hasanats. Hein? Notamment à travers ces trois catégories de personnes. On va s'arrêter là, inshallah, tabarak wa ta'ala. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ونسأله تبارك وتعالى يبصرنا في أمور ديننا ودنيانا وأن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا